les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un champion de jeûne, la nouvelle que Franz Kafka rédigea en mai 1922, fut publiée la même année. Écrite en deux jours, elle compte parmi les rares que l'auteur pragois n'ait pas entièrement renié par la suite, le seul récit qu'il jugeait supportable et l'unique à paraître de son vivant dans une revue littéraire de renom. Il existait bel et bien en Allemagne et en Autriche, à la fin du XIXe siècle, des artistes de cirque dont la performance consistait à tenir le plus longtemps sans manger, l'étrange occupation qui est celle du héros de la nouvelle. Mais ce dernier n'a que peu de mérite quant à lui, car il manque d'appétit et, en jeûnant, suit en quelque sorte son penchant naturel. Si on y voit l'un des nombreux doubles qui parcourent l'œuvre de son auteur, l'autoportrait a ici quelque chose de particulièrement cruel. En 1981, Jean Taupart nous le faisait entendre dans la traduction d'Alexandre Vialat pour l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien, diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin de cette année-là. Un champion de jeûne. Dans les dernières années, l'intérêt du public pour les jeûneurs professionnels s'est notablement affaibli. Alors que rien n'était plus fructueux autrefois que d'organiser de grandes exhibitions de jeûne sous sa propre direction, aujourd'hui c'est devenu complètement impossible. Ah, c'était d'autres temps. À cette époque, toute la ville s'occupait du champion de jeûne. De jour de jeûne en jour de jeûne, l'intérêt du public croissait. Chacun voulait voir le jeûneur au moins une fois par jour. Sur la faim, certains abonnés passaient toute leur journée devant la petite cage. On la visitait même la nuit, au flambeau pour plus d'effet. Et quand il faisait beau, on portait la cage au grand air. Ces jours-là, c'était surtout aux enfants qu'on faisait voir le jeûneur. Alors que cette exhibition ne représentait souvent pour les adultes qu'une plaisanterie à laquelle ils s'associaient simplement par docilité à la mode, les enfants, eux, regardaient étonnés, la bouche ouverte et se donnant la main pour plus de sûreté, cet homme hâve en tricot noir dont les côtes faisaient saillie et qui, méprisant tout siège, restait assis sur une litière de paille. Il avait par moments une courbette polie, il répondait aux questions avec un sourire forcé, il passait même le bras par la grille pour faire tâter sa maigreur. Mais d'autres fois, il s'effondrait, se repliait complètement sur lui-même, ne s'inquiétait plus de personne, et même pas de l'heure, si importante cependant, que pouvait sonner la pendule qui constituait tout le mobilier de sa cage. Il restait là, le regard fixe, les paupières presque fermées, portant de temps à autre à sa bouche un minuscule verre d'eau pour s'humecter les lèvres. Outre les spectateurs d'occasion, il y avait aussi là, à titre permanent, des surveillants choisis par le public. En général, faits curieux, des bouchers, qui se relayaient par groupes de trois et qui avaient la mission d'observer le jeûneur jour et nuit pour l'empêcher de s'alimenter en cachette. Mais c'était pure formalité. On ne s'y livrait qu'afin de tranquilliser les masses. Les initiés savaient bien que le jeûneur n'eût absorbé à aucun prix, même contraint, le moindre atome de nourriture aussi longtemps que durait le numéro. L'honneur de sa profession le lui interdisait. Évidemment, tous les gardiens ne comprenaient pas une telle psychologie. Il y avait des équipes de nuit qui ne montaient leur faction qu'avec relâchement, s'installaient à dessein dans le coin le plus éloigné et se plongeaient dans une partie de cartes avec la visible intention de permettre aux jeûneurs de prendre un petit réconfort. Ils n'avaient qu'à aller le puiser, pensaient-ils, dans quelques réserves secrètes. Rien n'était plus pénible aux jeûneurs que ce genre de surveillants. Ces gens le rendaient mélancolique. Le jeûne devenait difficile avec eux. Parfois, surmontant sa faiblesse, Ils chantaient pendant leur faction, aussi longtemps qu'ils le pouvaient, pour leur montrer le tort immense qu'ils avaient de le soupçonner. Mais c'était en pure perte. Les autres ne s'étonnaient plus que de l'adresse avec laquelle ils s'entendaient à manger en chantant. Il aimait beaucoup mieux les contrôleurs qui s'asseyaient tout près de la grille et qui, ne se contentant pas de la trouble lumière de la salle, le maintenaient sous le rayon des lampes de poche que l'impresario mettait à leur disposition. L'éclairage cru ne le gênait pas. De toute façon, il lui était impossible de dormir, sous tout éclairage et à toute heure, même dans le tapage de la salle comble. Il était toujours prêt, avec de tels gardiens, à passer la nuit sans sommeil. Il était toujours prêt à plaisanter avec eux, à leur raconter ses anecdotes de nomades et à écouter leurs histoires en retour. Il était prêt à tout pour peu qu'il pût les tenir éveillés et leur montrer à chaque instant qu'il n'avait rien de comestible dans sa cage et qu'il jeûnait comme nul d'entre eux ne l'aurait su. Mais il touchait au comble du bonheur quand, le matin venu, on leur apportait, à ses frais, un déjeuner super copieux sur lequel ils se jetaient avec l'appétit d'hommes sains qui viennent de passer une nuit blanche. Il y avait bien, à vrai dire, des gens qui voulaient voir dans ce déjeuner une illicite tentative de corruption des contrôleurs, mais ils allaient vraiment trop loin. Et quand on leur demandait s'ils voulaient eux-mêmes se charger de la surveillance de nuit sans le déjeuner, pour le pur amour de la chose, ils s'esquivaient, quoiqu'en restant sur leurs soupçons. Ces doutes faisaient d'ailleurs partie de ceux qu'on ne peut éviter dans une évaluation du jeûne. Nul, en effet, n'était capable de passer ses jours et ses nuits à observer le jeûneur sans arrêt. Par conséquent, nul ne pouvait savoir, par suite d'un contrôle personnel, si l'artiste avait vraiment jeûné impeccablement. Le jeûneur seul pouvait le savoir. Il pouvait seul constituer devant son jeûne un spectateur parfaitement satisfait. Le jeûne lui était facile, naturellement. Il s'entendait à le rendre tel. Et il avait encore le front de vous l'avouer à moitié. Il lui fallait accepter tout ça. Il s'y était d'ailleurs accoutumé avec le temps, mais son mécontentement ne cessait de le ronger. Et il n'avait encore jamais quitté volontairement sa cage, jamais, après aucune période de jeûne. C'était un témoignage qu'on était obligé de lui rendre. Comme temps maximum du jeûne, l'impresario avait fixé 40 jours. Il ne laissait jamais jeûner le champion au-delà de ce délai, même pas dans les grandes villes. Et pour une bonne raison, l'expérience prouvait en effet que pendant 40 jours, une réclame bien dosée pouvait aiguillonner l'intérêt d'une cité d'une façon de plus en plus efficace, mais qu'ensuite le public se raréfiait. On enregistrait une notable diminution de la demande. Il pouvait bien y avoir, sur ce point, de légères différences entre les villes et les campagnes, mais en règle générale, 40 jours était un maximum. Le 40e jour, on ouvrait donc la porte de la cage, enguirlandée de fleurs, un public enthousiaste emplissait l'amphithéâtre, une musique militaire jouait, deux médecins entraient dans la cage pour opérer sur le jeûneur les mensurations nécessaires, un haut-parleur proclamait les résultats dans la salle et finalement, deux jeunes dames, toutes heureuses d'être les élues, se présentaient pour essayer de faire descendre à l'artiste les quelques marches de sa cage. En bas, sur une petite table, on lui avait servi un repas de malade, précautionneusement combiné. À ce moment-là, le champion se défendait toujours. Sans doute acceptait-il encore de placer volontairement ses humérus dans les mains secourables des dames qui se penchaient sur lui. Mais c'était tout. Il ne voulait pas se lever. Pourquoi cesser juste à ce moment, juste après 40 jours? Il aurait pu tenir encore longtemps. Il aurait pu tenir un temps illimité. Pourquoi cesser juste à ce moment, au plus beau du jeûne? Et même pas. Pourquoi voulait-on lui ravir la gloire de jeûner encore, et sinon de devenir le plus grand champion de jeûne de tous les temps? Il devait l'être de toute façon. Du moins, de battre ses propres records, de les battre jusqu'à l'absurde. Car il ne sentait aucune limite à sa faculté de jeûner. Pourquoi cette foule qui prétendait en l'admirer était-elle si impatiente? S'il tenait plus longtemps, pourquoi ne voulait-elle pas tenir? Et puis, il était fatigué. Il était bien assis dans sa paille et maintenant, il fallait se lever de toute sa hauteur, se redresser de toute sa longueur, aller manger des nourritures. La seule idée de ce repas lui causait des nausées qu'il ne cachait que difficilement et seulement par égard pour les dames. Alors, il relevait les yeux, regardait au-dessus de lui ceux des deux dames, si gentilles en apparence, si cruelles en vérité, et il secouait sa tête écrasante sur son cou fragile. Mais il se passait alors ce qui se passait toujours. L'impresario venait lui-même, et la musique, empêchant tout discours, levait les bras silencieusement au-dessus de l'artiste, comme pour inviter le ciel à regarder ce pitoyable martyr, que le jeûneur était en effet, mais en un sens tout différent. Il saisissait le champion par le bras, il le prenait par sa taille mince, avec des prudences exagérées, destinées à montrer de quelle chose fragile il avait à s'occuper là, et le remettait aux dames, devenues pâles comme la mort. Non sans l'avoir secoué un peu en cachette, ce qui faisait osciller au hasard les jambes et le tronc du jeûneur. L'artiste alors tolérait tout. Sa tête pendait sur sa poitrine, on eût dit qu'elle y avait roulé et qu'elle restait accrochée là mystérieusement. Le corps était tout creux, les jambes se pressaient. Un instinct de conservation leur faisait serrer les genoux, mais elles traînaient sur le sol comme si ce n'eût pas été le vrai et que le vrai sol, elles eussent dû le chercher d'abord. Et tout le poids, infime à vrai dire, du corps, reposait sur l'une des dames qui, cherchant de l'aide et le souffle oppressé, ce n'était pas ainsi qu'elle s'était représentée cette glorieuse mission, commençait par lever le cou tant qu'elle pouvait pour préserver au moins son visage du contact du jeûneur. Puis, comme elle n'y réussissait pas et que sa compagne plus heureuse, au lieu de venir à son secours, se contentait de porter devant elle en tremblant le petit paquet d'os qu'était la main de l'artiste, la dame éclatait en sanglots pour le ravissement de l'assistance et devait être relevée de ses fonctions par un employé tenu en réserve à cet effet depuis longtemps. Ensuite venait le repas, dont l'impresario faisait ingurgiter quelques bouchées au triomphateur qui restait plongé dans un demi-sommeil semblable à l'évanouissement. Cette scène s'accompagnait de bavardages humoristiques destinés à détourner l'attention du public de l'état où se trouvait le jeûneur. Suivait encore un toast que l'on prétendait souffler par le champion. L'orchestre magnifiait le tout par une grande fanfare. On se quittait et personne n'avait le droit d'être mécontent de ce qu'il avait vu. Personne, sauf le jeûneur. Sauf, toujours, le seul jeûneur. C'est ainsi qu'il vécut de longues années avec de petites périodes de repos à intervalles réguliers, dans une apparence de splendeur, entouré des hommages du monde, mais au milieu de tous ces fastes, dans une profonde mélancolie qui s'aggravait encore du fait que personne ne la prenait au sérieux. Comment d'ailleurs l'eût-on consolé? Que lui restait-il à désirer? S'il se trouvait un homme bienveillant qui le plaignit et voulut lui expliquer que sa tristesse venait probablement de la faim, il arrivait au jeûneur, surtout dans les derniers temps de son jeûne réglementaire, de répondre par un accès de rage et de se mettre, au grand effroi de tout le public, à secouer comme une bête les barreaux de sa grille. Dans ces cas-là, l'impresario avait un châtiment tout prêt et n'hésitait que rarement à l'employer. Il excusait le jeûneur devant toute l'assistance Il concédait que l'irritabilité provoquée par le jeûne, irritabilité bien facile à comprendre pour des gens comme les spectateurs qui avaient l'estomac garni, pouvait seule excuser l'attitude du champion. Il s'arrangeait ensuite pour parler de l'affirmation de l'artiste qui se déclarait capable de jeûnes beaucoup plus longs et la rapportait aux mêmes causes. Il louait la haute ambition, la bonne volonté, la grande abnégation que contenait cette affirmation, mais il cherchait ensuite à la réfuter trop facilement en montrant des photographies qu'il faisait acheter en même temps par le public, sur lesquelles on voyait le champion étendu sur un lit le 40e jour et presque mort d'inanition. Ce déguisement de la vérité que l'artiste connaissait bien, mais qui réussissait toujours à le déprimer une fois de plus, dépassait vraiment la mesure. On présentait comme un effet du jeûne ce qui n'était que la conséquence de son interruption prématurée. Comment lutter contre cette incompréhension, contre cet océan d'incompréhension? Il écoutait toujours avidement à la grille le discours de l'impresario, mais au moment où sortaient les photos, il lâchait régulièrement les barreaux, retombait en soupirant dans sa paille, et le public tranquillisé pouvait revenir, s'approcher de lui et le regarder. Lorsque les témoins de ces scènes s'en ressouvinrent quelques années plus tard, nombre d'entre eux s'en étonnèrent eux-mêmes, car entre-temps s'était produit ce revirement dont nous parlions. Oui, il était venu presque soudain. Il avait peut-être des causes profondes, mais qui se serait inquiété de les découvrir? Un beau jour, le jeûneur, gâté par les applaudissements de la foule, se vit délaissé du public, avide de folles distractions qui envahissaient maintenant d'autres salles de spectacle. L'impresario fit encore une tournée forcenée à travers la moitié de l'Europe pour voir s'il ne retrouverait pas ici ou là l'ancien intérêt du public. Mais tout fut vain. C'était comme une conjuration. La même aversion s'était développée partout pour le spectacle de la fin. Naturellement, ce phénomène n'avait pu en réalité intervenir si brusquement. Et l'on se rappelait maintenant, après coup, bien des symptômes précurseurs que, dans l'ivresse du succès, on n'avait pas assez remarqué à leur époque, qu'on n'avait pas assez combattu. Maintenant, il était trop tard pour entreprendre de lutter. Et certes, il était bien sûr qu'on reviendrait un jour au jeûne, mais, hélas, pour les contemporains, ce n'était pas une consolation. Que devait faire à présent le jeûneur? Lui qui s'était vu entouré des acclamations de tous les peuples, il ne pouvait même plus maintenant se montrer dans les baraques des petites foires. Et pour choisir un autre métier, il était non seulement trop vieux, mais surtout trop fanatiquement adonné à l'ivresse du jeûne. Aussi prit-il congé de son impresario, qui avait été le compagnon d'une carrière sans égale, et se fit-il embaucher par un grand cirque. Pour épargner son amour-propre, il ne regarda même pas le contrat. Un grand cirque, étant donné le nombre immense de gens, de bêtes et d'appareils qu'il a besoin de maintenir et de compléter constamment, peut employer n'importe quand, n'importe qui, même un jeûneur professionnel, à condition naturellement que ses exigences soient restreintes. D'ailleurs, dans ce cas particulier, ce n'était pas seulement le travailleur qu'on engageait, mais aussi son vieux nom célèbre. Il s'agissait d'un talent spécial qui ne diminue pas avec l'âge, de sorte qu'on ne pouvait pas dire qu'on eût affaire à un artiste usé qui, sentant faiblir son talent, cherchait refuge dans un petit poste de tout repos. Bien au contraire, le jeûneur assurait, ce qui était parfaitement vraisemblable, qu'il jeûnait tout comme autrefois. Il allait même jusqu'à prétendre que si on lui laissait sa libre volonté, ce qu'on lui promit sur le champ, c'était maintenant seulement qu'il allait plonger le monde dans un juste étonnement. Affirmation qui, à vrai dire, étant donné les revirements du temps que le champion, dans son grand zèle, oubliait trop facilement, ne provoqua chez les spécialistes qu'un sourire. Pourtant, au fond, le champion de jeûne ne perdait pas de vue, lui non plus, les circonstances véritables. Et il admit, comme tout naturel, qu'on ne l'exposa pas au milieu de la piste avec sa cage, comme le clou de la soirée, et qu'on le logea dehors, tout près des écuries, dans un endroit d'un accès malaisé. De grandes pancartes de toutes couleurs entouraient son box et disaient ce qu'il y avait à voir dedans. Quand le public, pendant les entr'actes, se pressait aux portes des écuries pour aller regarder les animaux, il était presque inévitable qu'il passât devant le jeûneur et s'arrêtât là un instant. Peut-être même se serait-il attardé dans cet étroit passage si les spectateurs qui faisaient queue, ne comprenant pas cet arrêt à mi-chemin des écuries, n'avaient empêché le stationnement. Et c'était la raison pour laquelle le jeûneur tremblait à l'idée de la venue du public, qu'il désirait cependant d'autre part, puisque c'était le but de sa vie. Les premiers temps, il pouvait à peine attendre les entr'actes. Il regarda venir la foule avec des transports de plaisir, jusqu'au moment, qui vint trop vite, hélas, où, l'aveuglement le plus obstiné devant céder devant la réalité, il se rendit compte qu'il n'avait jamais affaire qu'à des visiteurs d'écurie, sinon de fait, du moins d'intention. Et c'était encore de loin que le spectacle de cette foule était le plus beau, car une fois à sa hauteur, elle l'entourait d'un vacarme de hurlements et de jurons. Deux parties ne cessaient en effet de se reformer devant sa cage. D'une part, et ce furent les gens qui lui devinrent vite le plus odieux, ceux qui voulaient le regarder tout à leur aise, non par curiosité intellectuelle, mais par caprice et par bravade, et d'autre part, ceux qui voulaient d'abord aller visiter les écuries. Le gros de la foule écoulée, c'était le tour des retardataires, et ceux-là, que rien n'empêchait plus de stationner tant qu'ils voulaient, filaient à grands pas, sans un regard, pour arriver à temps près des bêtes. C'était une aubaine bien rare que de voir un père de famille se présenter avec ses enfants, montrer du doigt le jeûneur professionnel, expliquer de quoi il s'agissait, parler de l'ancien temps, où il avait pu contempler des exhibitions du même genre, mais incomparablement plus grandioses. Et les enfants, que ni l'école ni la vie n'avaient suffisamment préparé à aborder de tels spectacles, restaient figés, sans comprendre, il est vrai, qu'était-ce pour eux que la fin. Mais, dans l'éclat de leurs yeux, brillant de curiosité, on pouvait voir le signe précurseur d'une ère nouvelle et plus clémente. Peut-être, pensait alors le jeûneur, tout s'arrangerait-il un peu si sa cage n'était pas si près des écuries? Sa situation présente rendait le choix trop facile au public, sans parler des autres désagréments qu'elle présentait, les émanations des écuries, le transport de la viande crue pour les fauves, le cri des bêtes au moment des repas blessait les sens et accablait l'âme, mais il n'osait pas réclamer auprès de la direction. C'était aux bêtes, après tout, qu'il devait ce flot de visiteurs, parmi lesquels, de loin en loin, il s'en trouvait peut-être bien un qui venait exprès pour lui. Et qui sait où on l'eût enfoui s'il avait voulu souligner son existence, rappelant par la même occasion qu'il ne constituait au fond qu'un obstacle sur le chemin des écuries. Un petit obstacle, à vrai dire, un obstacle de plus en plus petit. On s'habituait à la bizarrerie de ce cirque, qui cherchait encore de nos jours à retenir l'attention du public sur un jeûneur professionnel. Et cette accoutumance des clients équivalait à une sentence de mort. Il pouvait jeûner de son mieux, et c'était bien ce qu'il faisait. Rien n'était assez puissant pour le sauver. On passait devant lui sans le voir. Cherchez à expliquer l'art du jeûne à quelqu'un. Si vous ne sentez pas d'instinct, personne ne pourra vous l'apprendre. Les belles pancartes se salissaient. Elles devenaient illisibles. On les arrachait par lambeaux.

Jean Topard lisait « Un champion de jeûne » de Franz Kafka dans la traduction d'Alexandre Vialat, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.